la route qui nous mène à l'au-delà, au-delà des mots qui font vivre nos cœurs et voir nos plus grandes peurs. On se prend le visage, on veut s'en sortir ou s'enfuir. On s'éprend de ce qui nous blesse le corps, on blâme les autres pour nos propres torts. Au fond de nous-mêmes, on s'en veut à mort pour laisser passer nos rêves si forts. Je souffle les chandelles qui brûlent devant moi, je retiens mon souffle dans le noir, laissant passer aussi loin derrière, cherchant à trouver une lueur, un repère. Ces bruits de ma mémoire que j'enfouis si loin dans les étoiles, purifiant cette nuit en ouvrant mon âme. Au-delà de mes mots, je ressens, je suis là. Et toi, tu es assise dans le noir, tu cherches à comprendre ce qui ne va plus entre toi et moi. Y a plus rien à comprendre, c'est comme ça, toi et moi. C'est comme ça. Choisis la route qui m'oblige à partir, toi et moi.